veux que je sois grand, tu veux que je sois fort, la balle est dans mon camp, et ce jusqu'à la mort, je te veux dans mon cœur, lorsque tu es à l'heure, je ne redoute pas le temps, il ne me fait pas peur, je dois pouvoir toujours te penser à l'amour, je ne maîtrise rien, pas même le lendemain, quand je te prends la main, le temps s'arrête enfin, le temps s'arrête enfin, et jusqu'au lendemain. Comme si j'avais le temps, comme si j'avais le temps. Je suis aussi comme toi, limité dans mon cœur, limité au droit de voir et de douleur. Comme si j'avais le temps, comme si j'avais le temps. Je resterai toujours option de l'univers, une gerbe dans ton champ, une goutte dans la mer. Tu me dis si souvent que le temps est ailleurs, que tu es dans mon camp, pays où je suis né. Je me sens impuissant quand tu n'es plus toi-même et figé dans la peur du devant inconnu. L'épreuve de providence nous entraîne dans la danse de ce monde irréel. Lumière est éternelle. Si tu me tiens la main, le temps s'arrête enfin, le temps s'arrête enfin, et jusqu'au lendemain. Comme si j'avais le temps, comme si j'avais le temps. Je suis aussi comme toi, limité dans mon cœur, limité au pouvoir de gloire et de douleur. Comme si j'avais le temps, comme si j'avais le temps. Je resterai toujours option de l'univers, une gerbe dans ton champ, une goutte dans la mer. Comme si j'avais le temps, comme si j'avais le temps. Je suis aussi comme toi, limité dans mon cœur, limité au pouvoir de gloire et de douleur. Comme si j'avais le temps, comme si j'avais le temps. Je resterai toujours option de l'univers, une gerbe dans ton champ. Dans la mer, une étoile dans la mer.